France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 176. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 25 octobre 2009, 11h05, bonjour à toi, l'ami. Alors, avant tout ce matin, tu es très inquiet après l'expulsion de 3 réfugiés afghans ordonnés par Éric Besson mercredi dernier. Car que vont devenir ces malheureux de retour dans leur pays en guerre? Tout va bien et sans bien arriver. Et quel rapport avec vous, Sama? Ah ben, dès qu'ils sont descendus de l'avion, ils sont venus au bureau des adhésions d'Al-Qaïda. Je sais pas pourquoi, mais ils sont revenus de chez vous très très énervés. Vous leur avez fait quoi? C'est pas nous, c'est Éric Besson. Ah, ils sont surmotivés, hein. Tout à l'heure, on a fait un parcours de combattants. Ils ont mis 50 mètres à tout le monde, même à Mollah Omar qui était en mobylette. Oui, tu l'as bien compris, l'ami. Ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose d'organiser un beau barnum burlesque consacré aux actualités manipulées par le prince du monde. Alors, chers amis, communions ensemble durant 53 minutes au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux audiorama contre les assauts de la morosité. Eh bien, selon notre protocole, nous commencerons bien sûr par notre espiègle office freudien durant lequel nous croiserons ce matin 2 as du bricolage médiatique, puis un valet de cœur sur le carreau et un secrétaire d'État dans les trèfles. Dans la foulée, bien sûr, nous reviendrons sur les premiers pas à l'Assemblée de ce monsieur Douillet devenu député. Ensuite, nous descendrons clandestinement dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA où nos joyeux fantômes radiophoniques se sont penchés jeudi dernier sur une autre lettre de Guy Moquet. Souvenir d'une exécution que nous ausculterons ici avec émotion. Immédiatement après, nous découvrirons qu'à peine rentrés de Marseille, Monique et Jean-Claude ont à nouveau quitté Grosboule-les-Bains pour un curieux week-end à Amsterdam. Et puis nous enchaînerons bien sûr avec le dictionnaire imaginaire de notre facétieux reporter. Et ce matin, nous t'offrirons une définition du verbe répertorier. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvrira ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et replonge dans la Vologne. Come. Sometimes I'm lobo, I'm from the most risky zone, oh. No place is more shifty global. More pistols, Russian revolvers. We shooting all that is normal. But it ain't just because we want to. We ain't got nowhere we can run to. Somebody please press the undo. They only teach us the things the guns do. They don't teach us the ABCs. We play all the hard concrete. All we got is life on the streets. All we got is life on the streets. They don't teach us the ABCs. We play all the hard concrete. All we got is life on the streets. Grown and sexy, come with the extra. Crushed up linen, fly like Cessna. This type groove, I gave it birth. Now it's time again to give it a verse. Jamaican born, not a fan of the ganja. Clear vibe, Brooklyn to Somalia. Hear them goes in the background. Player, that is my sound. The green doesn't symbolize, I made it on the top. Pioneer legend and they call me Mr. Rock. No B word or N word, I don't need those words. dried up, so we coming to Greece. Leading you right and treating you right, so peace. Gangsta, if it is essential. Fight with guns or utensils. So poor, nothing's confidential. Breakfast was not continental, and lunch could not complement all. We still become competent souls. These streets ain't paved with no gold. Matter of fact, someone stole the light pole. Nobody fat enough for light pole. They don't teach us to read and write, so they don't teach us the ABCs. Come. We play ABCs, c'est le sublime somalien Knaan qui a choisi l'abécédaire sur son dernier album et c'est un très bon choix, d'après Gilles Deleuze. Tu as choisi un abécédaire, tu m'as prévenu des thèmes, et là je ne sais pas exactement les questions, si bien que moi j'ai pu réfléchir un peu aux thèmes. Donc tout me va là-dedans. On commence, A, B, C, D, ce que tu veux. Eh bien, ce que nous voulons à 11h11, c'est bien évidemment nous vautrer confortablement afin d'ouvrir ce 176e épisode du Mangin Palace et amorcer ensemble nos modestes péripéties laïques, puisqu'il est l'heure de notre petite session freudienne. Et ce matin, Monsieur Divan Beaujolais a consciencieusement battu les cartes avant de sortir du paquet le jeu suivant. Deux as du bricolage médiatique, un valet de cœur sur le carreau et un secrétaire d'État dans les trèfles. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Bonjour Thomas Legrand. Bonjour Nicolas. Et le ton monte entre les médias et le gouvernement. Oui, la consigne vient directement de l'Elysée. On a beau être grand dans la solitude, tout seul, on peut rien foutre. Et ce week-end et hier, chacun à leur façon, Xavier Darcos et Frédéric Lefebvre. Nous dans le bricolage, bon, ben, on perd un peu nos moyens. Perdez pas lourd. Ont mis en cause la presse qui se livrerait à un travail de sape contre le président. Les médias se seraient acharnés sur l'affaire Mitterrand, comme sur l'affaire Jean Sarkozy. Oh, mon pauvre Coco, mon pauvre chéri, mon pauvre Biquet, mais qu'est-ce qu'on t'a fait ? En réalité, quand Frédéric Lefebvre, qui traduit la pensée de Nicolas Sarkozy, dit que la presse est devenue le principal opposant au président, là, nous sommes au cœur du problème. J'ai une ou deux choses à vous dire. La communication politique a pris le pas sur le débat public. Les stratégies de communication de la majorité sont élaborées à l'Élysée par des pros qui disposent à foison et à nos frais d'instruments de mesure de l'opinion. Quand Nicolas Sarkozy imprime un rythme effréné, non pas aux réformes, mais aux annonces de réformes, il fait de la com' plus que de la politique. Alors à nous de jouer. L'avenir dépend de nous. Et ça, c'est... Julien Drey, député socialiste de l'Essonne. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci de me recevoir. Oui, je sais qui vous êtes. Il y a eu un rapport, une enquête de police, qui dit que vous auriez reçu 1,6 million d'euros de différents comptes, et notamment de comptes d'associations comme SOS Racisme et la FIDEL. Oui, ça rime à quoi une chose pareille ? Je m'indigne contre tout ce qui s'est passé. C'est une affaire politique pour vous ? Oui, c'est une affaire totalement politique. Mais pourquoi ? Pour une simple raison, c'est que à un moment donné, Julien Drey, c'est quelqu'un qui dérange, qui énerve. Faut toujours que vous veniez foutre votre merde, moi. Et dans l'establishment socialiste, il y a un certain nombre de gens qui disent si on peut s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, tant mieux. Voilà. Et puis, mais vous accusez vos petits copains socialistes d'avoir monté l'affaire ? On n'avait pas dit qu'on le foutait à la porte, lui. Je dis que l'origine de l'affaire, elle vient de la gauche et elle vient pas de la droite. Oh là là, vous en portez pas comme ça. Je l'assume complètement. Voilà, ça a été, j'ai à ce que je appelais une dénonciation calomnieuse. Je vous remettrai à chacun une pilule de cyanure personnellement. Vous la placerez sous votre langue comme ceci. L'invité de France Inter ce matin est le secrétaire d'État chargé de l'emploi. C'est ça. Mais on peut savoir qui vous êtes. Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Que dites-vous ce matin, Laurent Wauquiez, aux agents de Pôle emploi qui seront en grève aujourd'hui ? C'est que je n'en sais rien du tout. Bah d'abord, la première chose, on sait que c'est difficile. On sait que c'est difficile, d'abord parce que faire une réforme comme Pôle emploi est difficile. Mais pourquoi vous êtes ici, hein ? Et le message que je veux leur adresser, c'est qu'on veut continuer à travailler ensemble. Un, pour évidemment améliorer le service aux demandeurs d'emploi, mais aussi pour améliorer les conditions de travail des agents, parce que c'est les deux faces de la même médaille. Sans blague. Merci d'être venu, hein. David Douillet, 40 ans, double médaillé d'or aux Jeux Olympiques et plusieurs fois champion du monde, est désormais député après un passage par les pièces jaunes, cher à Madame Chirac. Vraiment ? Et de quelle affaire s'agit-il ? Tu crois réellement qu'on te raconterait tout ? Il a été élu hier dans les Yvelines à la faveur d'une législative partielle. Et oh, soyez sympa, le candidat, le député Douillet, a une exclue télé. C'est dingue, c'est vrai, j'ai été vraiment surpris. Impressionné, je ne sais pas encore. Je pense que oui, je le serai un peu, forcément. Si l'on veut s'élever dans la vie... Il faut savoir passer par la bonne porte. Si l'on veut s'élever dans la vie, il faut savoir passer par la bonne porte. C'est évidemment très sarkozien, ça, comme slogan. Et c'est par la grande porte que David Douillet est entré dans le cercle très ouvert des députés de l'UMP. C'était dimanche dernier. Car cette victoire de David Douillet à la députation a fait beaucoup de bien à notre président, empêtré depuis des jours dans l'affaire de son fiston pistonné. Si bien que cette semaine, Nicolas Sarkozy a fait venir David Douillet à l'Élysée afin de prendre conseil pour relancer, dans sa majorité, la dynamique du succès. Hey, oh, oh, oh ! Hey, je suis là ! Ah. Comment vous sentez-vous ? Pas mal, vous. Vous avez travaillé vos abdominaux ? Non, mais je n'ai pas eu beaucoup de temps. Ah, mais ça se voit. Figurez-vous que je me trouve devant un grave problème. Toujours vos douleurs dans l'épaule. Bon, ben, je vais vous faire un petit massage. Attention, hein. Mon Dieu, quoi ? Toujours aussi douillet. Comme ça, ça va ? Comme ça, ça va. Comme ça, ça va. Et ça va d'autant mieux que président Sarkozy pense avoir découvert le secret pour relancer la dynamique de la victoire à l'UMP. Il a donc fait venir tout son gouvernement et, à partir des conseils du grand judoka David Douillet, Nicolas Sarkozy a voulu donner lui-même, en début de semaine, une leçon à ses ministres et avec l'aide de Carla, dis donc. Alors l'exercice consiste qu'elle va m'attaquer par une attaque de son choix que je ne connais absolument pas d'avant et que moi je vais bloquer par le blocage approprié à cette attaque. Ok ? D'accord. Come on. Quand tu veux. Bon, c'est agaçant, hein. Bah quoi, j'ai attaqué. Bon, viens, toi, là. Alors, tu vas me porter une attaque franche et virile et moi, je vais bloquer. Alors, tu précipites pas le mouvement, hein. Tu le laisses bien venir de l'intérieur. Ça doit venir de très loin, c'est japonais. Quand tu le sens. Tu fais gaffe au coubin, j'ai pas ma coquille. Quand tu seras en compète, tu diras pas au type en face, j'ai pas ma coquille. Ouais, mais j'ai pas l'intention d'aller jusqu'en compète. T'en sais rien, mon pote. Des fois, ça va beaucoup plus vite qu'on croit. Tiens, regarde, la preuve. En même pas 2 ans. Quand tu le sens. Tu le sens pas, là. Eh ben, le fais pas, t'as raison. Attaque, attaque, attaque. Non, merde. On attaque pas dans le dos. Oh, les mecs. Je vais te perforer le thorax, c'est toi. Arrête, je retire ta licence. Saloperie, va. Pense à ta licence. Tourne-moi la feuille. Ah. Oui, il est toujours un peu nerveux, notre président. Mais il faut avouer que ces derniers jours n'ont pas été simples. Alors, face à tous les tracas que lui pose son entourage, il était essentiel pour Nicolas Sarkozy que la première séance de David Douillet à l'Assemblée nationale mardi dernier se passe le mieux du monde, sans anicroche et sans sujet de moquerie. Et pour cela, David Douillet a été présenté au grand stratège sarkozien avec, pour commencer, Henri Guénaud, très heureux de rencontrer le judoka. Je me demandais si vous existiez réellement et, le cas échéant, à quoi pouvait ressembler une personne possédant une telle puissance, tapis en elle. Mais vous savez, ça va pas être une promenade de santé. Même si tout marche comme sur des roulettes, si on parvient à provoquer une crise, sans aucun doute. Vous savez, la curiosité chez moi l'a toujours emporté sur la prudence. Jusqu'ici, ça m'a plutôt bien servi. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On attaque ? Eh oui, il va falloir attaquer à l'Assemblée. Henri Guénaud a donc peaufiné le texte de la première intervention de David Douillet, prévue lors de la séance de questions au gouvernement. Ensuite, pour travailler son apparence, un point essentiel dans la stratégie politique sarkozienne, notre président a alors dirigé le judoka vers le meilleur spécialiste du genre, Jean, son fiston. Je suis vraiment un pur beau gosse, mec musclé, beau visage et qui s'habille classe et que voilà, il a de l'ambition, il n'y a pas. Bah, j'aime pas les moches, hein, donc je parle pas aux moches, enfin moi en fait. C'est pas trop mes amis parce qu'en fait tout ce qui se ressemble, ça semble. Tu te sens supérieur aux autres ? Oui, bien sûr, totalement. Rien que par rapport à l'aspect vestimentaire, par rapport à votre physique. Je suis un peu une icône nationale, bientôt internationale quand tout le monde me connaîtra dans le monde entier. C'est un concept, c'est le concept de la bogossitude. Ne fume pas, ne bois pas, fais du sport et tu deviendras un beau gosse. Et habille-toi classe aussi. Les petits conseils de Jean Sarkozy pour bien passer à la télé, c'est toujours bon à prendre, se dit David Douillet qui, en échange, lui explique son idée. Alors que toutes les télés le regarderont s'installer dans l'hémicycle de l'Assemblée, Jean Sarkozy n'aura qu'à annoncer qu'il renonce à la présidence de l'EHPAD. Comme ça, l'image du grand gourou présidentiel sera redorée. Waouh ! C'est une grande idée ! Allons-y ! Winnie et Petit Gourou passent beaucoup de temps à préparer leur surprise pour Grand Gourou. Quand ils sont prêts, ils vont dans la cuisine. Mais ils ne lui apportent pas de fleurs. Ils ont fait une chose beaucoup plus surprenante. Eh oui, il est bien plus surprenant que des fleurs, ce détournement médiatique. Et d'ailleurs, il en est très content, président Sarkozy. Bien qu'il sache déjà qu'après la polémique Frédéric Mitterrand, qu'après l'affaire de son rejeton, il va devoir bientôt subir la grogne des buralistes à cause de l'augmentation du prix du tabac. Oui, bonjour. Voilà, c'est par rapport à Madame Bachelot. Oui. Parce qu'elle est pour l'augmentation du prix des cigarettes. Oui, de 10% encore. Eh oui, mais c'est normal pour elle, parce qu'elle, elle fume pas. Hein, déjà à l'époque, elle était dans responsable parce qu'ils ont interdit la cigarette dans les bars. Mais enfin, ça va, c'est facile quand les gens, ils font pas. Hein, moi, j'aimerais bien voir sa tête à la Bachelot si jamais on augmentait le prix ou même qu'on interdisait les rillettes, le saucisson et le beurre. Parce que je crois que ça ne me prive pas. Alors nous, on fume et elle mange les rillettes, d'accord. Mais qu'on soit chacun dans son coin. Et on n'augmente rien. On n'interdit rien. OK ? Attention, aucune allusion vaseuse ici aux 135 kilos de Monsieur Douillet et encore moins à son passé de sportif pour critiquer son engagement politique. Ce n'est pas sur ces points que se juge un bon député. D'ailleurs, le mieux pour se faire une opinion, c'est d'écouter son intervention mardi dernier pour sa première question à l'Assemblée. La parole est à Monsieur David Douillet. Très impressionnant de voir ce gaillard dans un costume 3 pièces avec son coup de taureau enserré dans une cravate de 12 mètres carrés. Ma question s'adresse à monsieur le ministre chargé de l'industrie. Monsieur le ministre. Quel buffle ! It was Buffalo Grill. J'ai depuis dimanche dernier l'immense honneur de siéger au sein de cette assemblée au nom de la 12e circonscription des Yvelines. Où se trouve un des fleurons de l'industrie automobile française ? L'usine Peugeot Citroën de Poissy. David est toujours aussi impressionnant. Il est, je dirais, renversant. C'est un véritable monstre. It is monstre et compagnie. Je connais les enjeux qui existent en matière industrielle, tant pour l'avenir de nos grands constructeurs automobiles français en particulier, que pour l'industrie française en général. Et avec David, vous savez, tout est démesuré, et depuis toujours. Savez-vous que pour que David puisse s'asseoir à l'Assemblée, on a fait venir un siège spécialement du musée du Louvre, They Buy a Rocking Chair for Sitting Bull. Pouvez-vous nous préciser quels sont les objectifs de ces états généraux, la méthode de travail et le calendrier retenu ? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur le ministre chargé de l'Industrie. Oui, alors évidemment, le ministre de l'Industrie, comme tous ses collègues cette semaine, a répondu, le doigt sur la couture, qu'il s'agit d'une campagne médiatique pour déstabiliser président Sarkozy et que le petit Jean est formidable et qu'on ne peut rien lui reprocher. La rengaine de la semaine, quoi. Alors, pour finir, que peut attendre la majorité présidentielle avec un David Douillet dans ses rangs désormais ? Eh bien, sans doute une nouvelle force de frappe dans les médias, à condition bien sûr de ne pas le mettre en colère. Le docteur David Douillet, médecin et homme de science, cherchant à canaliser les forces occultes que recèle tout être humain, voit un jour la chimie de son organisme modifiée par une émission trop forte de rayons gamma. Depuis, lorsqu'il ressent une offense ou un choc émotionnel, une saisissante métamorphose s'opère. Une campagne, ça se gagne sur le terrain et pas ailleurs. Ça se gagne pas à Paris, ça se gagne pas dans les... avec des journalistes. L'incroyable Hulk. La créature qu'il devient, animée par la rage, soulève l'inlassable curiosité d'un journaliste. Monsieur McGee, ne le mettez pas en colère. Vous risqueriez de le regretter. Et très content aussi d'expliquer, évidemment, que les aléas journalistiques n'entachaient pas, évidemment, ce que les gens ont envie de faire et ont envie d'élire. L'incroyable David Douillet. Pick me up. Hose me down. I'm sorry, boys, about the dirty night clouds. Earth does break the things that we make, like model planes and cupcakes. dirt free. Up the stairs, come find me. Come sneak up behind me. Dirty Night Clowns, la sale nuit des clowns, c'est ce que nous chante ce matin Chris Garneau. À ce propos, puisqu'on parle ici de clowns, on en est où du procès Clearstream là ? Jacques, mais vous êtes fou. Tais-toi, il faut t'évader, tu es cuit. Mais enfin, je peux encore être acquitté. Ouais, ouais. Tiens, mais cette perruque et ces lunettes, à partir de maintenant, tu es Michel Polnareff. Hein ? Mais c'est ridicule. Non ? Et pas en tournée mondiale. Ce déguisement, c'est le seul moyen pour toi de passer la frontière. Et commence à apprendre les paroles de Goodbye Marilou, parce que tu chantes demain soir à Bruxelles. Alors maintenant, après avoir découvert les nouvelles aventures de Judo Boy à l'Assemblée nationale, il est temps dès à présent à 11h27 d'ouvrir notre curieuse séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, tu n'ignores point que jeudi dernier, il était impératif, dans nos collèges et lycées, de lire aux mômes la lettre de Guy Moquet, ce jeune résistant communiste fusillé le 22 octobre 1941 à l'âge de 17 ans. Eh bien, figure-toi que nos joyeux fantômes radiophoniques ont été eux aussi obligés de lire la missive de Guy Moquet. Évidemment, les voix de la radiodiffusion française ont alors organisé une cérémonie du souvenir, une lecture épistolaire. Mais de quelle lettre, précisément ? Ainsi, écoute ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard l'ermite, planqué dans sa boîte d'archives, au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, on était obligé de lire la lettre de Guy Moquet. Alors, jeudi soir, on l'a lu. Dans le grand hall du lycée Carnot, qui tout à l'heure s'appellera Hall Guy Moquet, les élèves du lycée se sont assemblés. Il y en a des grandes classes, il y en a de tout jeunes aussi, presque encore des bambins, mais qui comprennent déjà ce que leurs aînés ont fait de grand, et la grandeur de la cause pour laquelle ils ont donné leur vie. Et cette cause, Joe Norman la connaissait. Ça a été atroce, cette exécution, et les fusillés se sont comportés d'une façon admirable. Un dirigeant syndical déclare devant le peloton d'exécution « Imbécile, c'est pour vous que je meurs », dit-il au soldat allemand. C'était l'internationalisme communiste. Un autre, le docteur Ténine, crie « Vive le parti communiste allemand » en étant fusillé. Le plus jeune était un garçon de 17 ans, Guy Moquet, fils d'un député communiste. Et cette Odette Niles, résistante et amie de Guy, au camp de Châteaubriant, qui a lu sa lettre. Odette, il vous reste qu'une photocopie de la lettre que vous avez reçue de Guy Moquet. Alors, vous la lisez. Ma petite Odette, je vais mourir avec mes 26 camarades. Nous sommes courageux. Ce que je regrette, c'est de n'avoir pas eu ce que tu m'as promis. Mille grosses caresses de ton camarade qui t'aime, Guy. Mais la résistance rusée d'Odette, avec son autre lettre de Guy Moquet, n'a pas plu à Henri Guénaud. La lettre reste obligatoire. Je pense que les enseignants ont un devoir, donc d'obéir aux directives. C'est pas une profession libérale, le métier d'enseignant. Non, c'est une profession de fonctionnaire. Il y a des directives. Il n'est pas indigne, au regard des lois de la République et des grands principes qui nous gouvernent, de lire la lettre de Guy Moquet. Après, ils peuvent la sortir des commentaires qu'ils veulent, faire à partir de là la pédagogie qu'ils souhaitent. Mais enfin, ils doivent appliquer les directives. Et le professeur Desproges ne s'est pas privé d'apporter son propre commentaire à cette affaire. À l'âge de cet adolescent, nous avions la chance d'avoir des parents qui nous inculquaient patiemment le goût des arts et des lettres et l'amour de l'histoire des pays civilisés. Je fais évidemment allusion aux gens de mon milieu, hein, et non pas aux parents pauvres dont on sait qu'aujourd'hui encore, ils passent dans les civets ou au fond de la mine le temps qu'ils négligent de consacrer aux choses de l'esprit. Moi qui vous parle, bande de charlots, j'étais capable à 18 ans de citer de mémoire des passages entiers des lettres de Chopin à Musset. Vous connaissez cette correspondance. Aujourd'hui, misère. Demandez à un jeune homme de 18 ans ce qu'il connaît par cœur. Rien. Rien, il ne connaît rien par cœur, si ce n'est l'adresse de l'Agence nationale pour l'emploi la plus proche de son domicile. Et à la fin du cours, on est tous allés voir Odette pour qu'elle nous raconte l'histoire de sa lettre. Ce que je regrette, dit-il dans la lettre, là, est de ne pas avoir eu ce que tu m'as promis. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Ben, écoutez, voilà, exactement, c'est pas ce qu'on croit, ce qu'on peut croire, voyez. Alors un jour, Guy, voyez, c'est tout bête, il me dit, est-ce que tu serais d'accord de me faire un patin ? Et moi, qui savais pas du tout ce que ça pouvait être qu'un patin, je lui dis, ben si tu veux, et c'est ça, oui. Comment vous en venez à faire de la résistance à 17 ans et demi, vous ? Les jeunes, ils acceptent pas d'être bridés, d'être... Là, bon, bah, on ne pouvait pas accepter une occupation, vous voyez, ce n'était pas possible. Vous savez, on passe actuellement, on a l'air de dire, mais on n'était pas des héros, parce que les jeunes de maintenant, ils participent aussi d'une certaine manière. Peut-être moins avancés, parce que la situation n'est pas tout à fait pareille, mais enfin, dès qu'il y a un mouvement, c'est surtout la jeunesse qu'on voit au premier rang. Merci beaucoup, Flora Bernard, d'avoir ressorti pour nous de Lina cette autre lettre de Guy Moquet. Mais quittons les patins pour rejoindre nos deux fumeurs de moquettes. Puisqu'il est l'heure de nos actualités locales et foutraques, voici donc notre décrochage régional, direction Roboul-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Ainsi, dimanche dernier, en fin d'après-midi, après leur merveilleuse escapade marseillaise, Monique et Jean-Claude étaient de retour à Grosboul-les-Bains. Leur nuit fut bercée par de doux rêves phocéens, et le lendemain, bien sûr, Jean-Claude ne put s'empêcher de raconter à tous ses collègues son fabuleux week-end sur le Vieux-Port. Cela dit, dans la bagnole lundi soir, après le boulot, son pote Vincent lui raconta que lui aussi venait de passer deux jours formidables dans une ville fantastique. À Amsterdam, les flics qui veulent te serrer, ils te fouillent pas dans la rue. Aux Pays-Bas, les flics, ils ont pas ce droit-là. Sans blague, je m'installe en Hollande. Je vais déménager tout de suite. Je savais que ça te brancherait. C'est pareil qu'ici, du point de vue d'un tas de trucs, mais il y a juste de légères différences. Exemple ? Si je te disais qu'en Hollande, au cinéma, on peut boire de la bière, et de la bière que t'es pas obligé de boire dans un putain de gobelet. Tu sais ce qu'ils mettent sur les frites en Hollande au lieu du ketchup ? Non, quoi. La mayonnaise. Les salauds. Tu vois le tableau des frites noyées dans la mayonnaise. Amsterdam. Et pourquoi ne pas emmener Monique et les mômes là-bas pour le premier week-end des vacances scolaires de la Toussaint ? Évidemment, toute la Smala fut séduite par ce projet hollandais du Jean-Claude. D'ailleurs, très vite, chacun s'est imaginé son petit voyage. Lèche-vitrine et frites mayo pour Jean-Claude, musée Rembrandt pour Monique et coffee shop pour les mômes. Ainsi, vendredi soir, ils ont pris la route tous les quatre, direction les Pays-Bas, l'autre pays du fromage. Bienvenue à Amsterdam, capitale des Pays-Bas et célèbre dans le monde entier pour la beauté et le charme de ses canaux. Il y en a 165 qui couvrent plus de 16 km et sillonnent toute la ville. Ces canaux ont été creusés et aménagés au XVIIe siècle pour faciliter le transport des marchandises du port jusqu'aux entrepôts des commerçants. Amsterdam compte 750 000 habitants qui vivent dans quelque 200 000 maisons, dont les plus anciennes, comme vous le voyez, sont au bord des canaux. Amsterdam est bâti sur pilotis, au total il y en a 100 000. Chut, attention, si on tape du pied, toute la ville risque de couler. Oui, affamé après cette première visite guidée d'Amsterdam hier matin, Jean-Claude ne cesse de sautiller à l'idée de s'empiffrer de frites mayo. D'ailleurs, vers 13h30, toute la famille se précipite dans un snack hollandais pour se rassasier. Sur place, les sandwichs sont énormes et prometteurs. Les frites sont grasses et, comme prévu, recouvertes de mayonnaise. À l'intérieur, le gouda fondu est excellent, bien sûr, mais soudain, lorsque Jean-Claude croque son sandwich, il constate que dans le jambon d'Amsterdam, franchement, il y a un goût bizarre. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Bon, Monique est consternée par la connerie du Jean-Claude qui finit malgré tout par engloutir son sandwich avec du port d'Amsterdam dedans. Et une fois la pause déjeuner passée, cette fourbasse de Jean-Claude propose alors d'aller mater les célèbres vitrines d'Amsterdam. « Hors de question, répond Monique, c'est une ville culturelle et il faut notamment faire découvrir aux mômes la magnifique peinture hollandaise de Vermeer à Van Gogh. » Furieux, Jean-Claude finit tout de même par accepter d'aller au musée, mais franchement, il n'est pas très emballé par la visite. « Nous abordons maintenant le tableau le plus célèbre du XVIIe siècle, qui est la pièce maîtresse de notre musée. Approchez. C'est la Ronde de nuit peinte par Rembrandt. Il a peint ce tableau entre 1639 et 1642. » Voilà, là, tout d'un coup, on va s'emmerder pendant une heure avec ça. On est venu à résoudre le problème de l'amalgame des personnages en un seul groupe. Et cette haute forêt diagonale que forment les arbres évoque un espace à trois dimensions. C'est ici que se termine la visite du musée. Voilà, merci de votre attention. Et les autres peintures? Ah, pardonnez-moi, c'est terminé. Outré par ce comportement de gougnafier dont vient de faire preuve Jean-Claude, la conservatrice francophone du Rijksmuseum décide aussitôt d'interrompre cette visite guidée, bien sûr. Monique est folle furieuse, mais elle impose immédiatement à Jean-Claude de passer par la boutique du musée, histoire au moins d'acheter quelques produits culturels. D'ailleurs, leur fille Elsa est très heureuse de ce qu'elle vient d'y trouver. J'ai pris aussi les tasses à café. J'ai hésité parce qu'il restait plus que le service Van Gogh, mais la vendeuse m'a dit que ça se mariait très bien avec le titien Van Gogh. Je te l'ai dit, il n'y a aucun risque. Les musées question bon goût, c'est la garantie absolue. Avec ce qu'ils ont accroché au mur, ils ne peuvent pas se permettre de faire un faux pas sur les tasses à café. Elle m'a assuré que les deux passaient sans problème à la machine. Mais ça ne m'étonne pas, ce sont deux très grands artistes. Oui, bon, faut savoir que depuis son week-end à Marseille, Monique a chopé l'accent. Ce qui exaspère Jean-Claude, mais tout de même moins que cette idée d'aller maintenant visiter le musée Van Gogh. Cela dit, comme il a conscience d'avoir été odieux devant les tableaux de Rembrandt, il lui vient une idée pour essayer d'impressionner les conservateurs du musée Van Gogh d'Amsterdam devant Monique et ses deux mômes. Une fois sur place donc, Jean-Claude exige alors de rencontrer sur le champ le directeur de ce célèbre musée, car il vient soi-disant leur faire don d'une sublime pièce de collection ayant appartenu à Van Gogh lui-même. Derrière chez nous, j'ai trouvé une oreille. Tiens donc, une mutilation ? Je crois. J'ai pensé qu'il fallait vous la porter. Mmh. Oui, tu as bien fait. Jetons-y un coup d'œil. Ouais. Oui, c'est bien une oreille humaine. Qu'est-ce que l'oreille peut nous apprendre sur son propriétaire ? Une fois que tous les tests seront effectués, des tas de choses. Le sexe, le groupe sanguin et si l'oreille a été coupée avant la mort. Bien sûr, tout le monde a immédiatement constaté qu'il s'agit là d'une oreille en carton. Mais désarçonnés par ce canular pitoyable, les conservateurs du musée Van Gogh préfèrent jouer la crédulité devant ce taré de touriste français qu'est Jean-Claude et qui finit par exploser de rire, dis donc, persuadé qu'il vient de duper ces éminents spécialistes. Lorsque, soudain, excédé par Jean-Claude qui insulte ici la mémoire de Van Gogh, le plus vieux conservateur du musée tente de lui expliquer l'essence de ce peintre qui fut à la frontière de la folie. Non, Van Gogh n'était pas fou, mais ses peintures étaient des feux grégeois, des bombes atomiques, dont l'angle de vision à côté de toutes les autres peintures qui sévissaient à cette époque eût été capable de déranger gravement le conformisme larvaire de la bourgeoisie Second Empire et des sbires de Thiers, de Gambetta, de Félix Faure comme ceux de Napoléon III. Car ce n'est pas un certain conformisme de mœurs que la peinture de Van Gogh attaque, mais celui même des institutions et même la nature extérieure avec ses climats, ces marées et ces tempêtes d'équinoxe ne peut plus, après le passage de Van Gogh sur Terre, garder la même gravitation. Effrayé par ce discours digne d'Antonin Artaud, Jean-Claude précipite Monique et les mômes vers le parking souterrain pour s'enfuir de ce musée Van Gogh. Fin de l'histoire. Seulement voilà, impossible pour Jean-Claude de retrouver sa bagnole dans ce fichu parking. Décidément, après ce week-end à Amsterdam, il n'en peut plus de la peinture hollandaise. Rembrandt B12. Bon, à la rigueur, c'est 12, mais Rembrandt, c'est sûr. Je te dis que c'est Velázquez, papa. Velázquez, P9, quatrième sous-sol. Jules. Si on était garé à Velázquez, crois-moi, je m'en souviendrais. Velázquez, c'est le nom de mon assureur, Henri Velázquez, qui me pompe 5000 euros par an sans jamais rien me rembourser. Alors, si la voiture était garée à Henri Velázquez, ça serait marqué là pour toujours. Je vous dis qu'on est à Rembrandt. Je me revois braquant devant sa grosse tête enfoncée dans son bonnet, peinte sur le mur du deuxième sous-sol. La grosse tête de qui? Mais de Rembrandt. Il avait une grosse tête, Rembrandt? Énorme. En tout cas, dans le parking, toute peinte en vert fluo pour qu'on la voit bien dans les phares. Une grosse tête de Rembrandt peinte en vert fluo, ça m'aurait marqué quand même. Mais c'est même pas la tête qu'il a, Rembrandt. C'était peut-être celle de Bruegel ou de Jérôme Bosch. Il connaît rien en peinture, rien. Sinon, il y a longtemps qu'il aurait retrouvé sa voiture. Bien. Alors maintenant, toujours en direct du Mange à Palace à 11h42, après avoir abandonné Jean-Claude et Monique, paumés dans ce parking souterrain du musée Van Gogh à Amsterdam, il est l'heure bien sûr désormais de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et ce matin, dans son dictionnaire imaginaire, le verbe qui compte triple pour Monsieur Julien Dugast, c'est répertorier. Pourquoi? Eh bien, parce que là où Michel Alliot-Marie avait reculé, Brice Hortefeux revient en force cette semaine. Certes, on ne parle plus de fichiers dorénavant, mais plutôt d'une base de données. Et pour le reste, notre facétieux reporter est allé tendre son micro à Madame Hélène Franco, magistrate à Créteil et soucieuse de nos libertés individuelles. Ainsi, à l'heure où nous allons tous devenir potentiellement coupables, découvrons ensemble, juste après la virgule, ce que signifie désormais « répertorier ». Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot WACT. Trois consonnes, deux voyelles, répère. Trois consonnes, trois voyelles, torier, répertorier. On peut d'abord se rattacher au quotidien. Le répertoire, c'est ce qu'on a chacun dans notre téléphone, par exemple. C'est-à-dire que c'est un lieu où on rassemble des éléments qui concernent des personnes de notre entourage. Pour ce qui est évidemment du fichier Edwige, ça sera un moyen de répertorier, de recenser des personnes en fonction d'éléments touchant à leur vie privée. Qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements. Dans quel camp êtes-vous? Vous le saurez en temps utile. Nous voulons des renseignements. Des renseignements. Des renseignements. C'est sans doute un humour qu'on ne connaissait pas, Monsieur Hortefeux, ministre de l'Intérieur. Ces deux décrets ont été signés, je le rappelle, le jour de la Sainte Edwige, le 16 octobre, ont été diffusés au journal officiel le 18 octobre. Ces deux fichiers sont un copier-coller, purement et simplement, du fichier Edwige, à ceci près que la mobilisation citoyenne de l'an dernier a permis de faire retirer de ces fichiers simplement l'orientation sexuelle et l'état de santé des personnes concernées qui se trouvaient dans Edwige. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Ce qui reste de très choquant, c'est la logique générale en fait de ces textes. C'est-à-dire qu'on va recenser des personnes, prendre des critères qui sont très particuliers et très privés sur la vie de ces personnes, comme leur origine géographique, autant dire l'origine ethnique, ça revient au même, comme leur appartenance éventuelle politique, syndicale, religieuse, philosophique, tout ça est dans le texte, je ne l'invente pas. Eh bien, tout cela va permettre de recenser ces personnes en fonction de ces critères, sans même que ces personnes aient commis un quelconque acte d'atteinte à la sécurité publique. Le fichier informatique qui va probablement être installé chez la police, c'est-à-dire aux renseignements généraux, provoque une levée de boucliers, car dans ce fichier, on pourra mettre non seulement l'appartenance politique, mais votre appartenance religieuse. Je suis tombé sur un journal présenté par Jean-Claude Bourret en 1990, où finalement le débat avait l'air d'être le même. Ce qui est nouveau, ce sont les moyens considérables, les moyens technologiques qui sont dans les mains des gouvernants, pour effectivement avoir les moyens de ficher de manière généralisée toute une population sur l'idée que tout citoyen est un coupable en puissance. Et j'ajoute que des dispositions récentes permettent la centralisation, et surtout ordonnent la centralisation des services de renseignement sous l'autorité exclusive du président de la République, et ça, c'est très nouveau. Inspiré par les écrits du russe Samyatin et par ceux de Aldous Huxley, 1984 invente le personnage de Big Brother et Prémonitoire dénonce la surveillance généralisée de l'individu, le contrôle des pensées et de la mémoire que permettent les nouvelles technologies de communication. Alors, quant à moi, je prends mes 3T et mes 3X, ce qui donne le mot... Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Oui. Alors, pour finir, le plus étrange dans toute cette histoire, c'est peut-être la faible médiatisation ces derniers jours de cette actualité pourtant effrayante. Mais bon, faut dire aussi que cette semaine-là, il y avait la grosse affaire, un suspense insoutenable qui a monopolisé toute notre attention et qui a permis d'ailleurs de faire passer d'autres choses plus discrètement. Enfin, ça y est, c'est fini maintenant. Depuis le 20h de France 2 jeudi dernier, plus de suspense, plus rien. Encore que, faudrait se méfier. Vous êtes... Voilà yeah. C'est une décision que j'ai prise seule. Il va pas me charrier longtemps celui-là, crois-moi. Et que j'assume seul en conséquence. Mais vous venez vous plaindre de quoi ? Pourquoi j'ai souhaité être candidat et pourquoi je serai candidat au conseil d'administration ? Et c'est ainsi, messieurs, qu'on reprend une affaire en main. Pour l'avenir de ce quartier d'affaires, pour le préparer au défi, il faut asseoir son leadership. Il faut conforter son attractivité. C'est du charabia, tout ça. Ça n'a aucun sens. Mais je ne veux pas d'une victoire entachée de soupçons. C'est pour ça que j'ai pris cette décision. Je fais un choix de raison. Je vais me reprendre un petit peu la question tout à l'heure. Vous venez vous plaindre de quoi ? Si la question que vous me posez, c'est est-ce que vous en avez parlé au président ? Non. Est-ce que j'en ai parlé avec mon père ? Oui. Très peu de présidents ont eu à affronter une telle crise. À du pain et du beurre, à moi je n'aime que ça. À du pain et du beurre, allez ça s'arrête là. Tous les jours j'en mange, à tous les repas. Car la vie que j'aime ne sait faire que ça. Du pain et du beurre, à moi je n'aime que ça. À du pain et du beurre, et ça s'arrête là. Oh oh oh, au début pour lui plaire, j'en mangeais de bon cœur. En lui disant c'est délicieux, quand j'en avais horreur. Du pain et du beurre, à moi je n'aime que ça. En mettant un beau jour sur une table du pain et du beurre, de l'eau fraîche et de l'amour. Au pain et au beurre, ah je suis condamné. Au pain et au beurre, ah pour bien des années. Du pain et du beurre, c'était les mots bizarres de Claude François en 1964, sans doute un hommage à la tartine de beurre attribuée à Mozart. Ah, Alors maintenant, à 11h50, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade? Eh bien Philippe, cette semaine dans la presse, les enfants sont à l'honneur. Ah, bon, oula, excusez-moi, j'entends déjà des milliers d'auditeurs à côté de leur transistor scander sur l'air des lampions « Le fiston, le fiston !» Non, je dis stop de Jean Sarkozy, on en a plein les pads. C'est vrai, cette semaine, il n'était pas possible d'ouvrir mais un seul canard sans tomber sur l'affaire Sarkozy Junior. Déjà, on a le daron. Bon, alors, pour ma part, j'ai voulu éviter cette sombre histoire de népotisme mise à mal par la vigilance citoyenne et je me suis plongé dans la rubrique « Vivre mieux du Parisien aujourd'hui en France » de mercredi, qui se demandait « À quoi rêvent les enfants ?» Alors, c'est une excellente question. Oui, hein. Oui. Alors, une étude a été réalisée sur 300 gamins de 4 à 11 ans et le rêve number one, c'est de passer des vacances de rêve. Et, ah, pardon, excusez-moi Philippe, j'entends dans mon casque un auditeur qui vient de dire que papa est arrivé avant-hier au Cap Nègre. Non, merci. Alors, oh là, fatigant. Alors, le rêve d'enfant qui arrive en deuxième position, c'est exercer un super métier. Ah, pas de commentaire, merci. Sinon, à la troisième place, on a à avoir plein de jouets. Bon, d'accord. Alors, dans Le Parisien, il y a ce témoignage de Pamela, 26 ans, qui, dès l'âge de 5 ans, rêvait d'être militaire et qui nous dit... Ah, je sais que c'est très rare de réaliser ses rêves, mais quand on a la volonté et qu'on s'en donne les moyens, on finit par y arriver. Oui, Pamela, vous avez raison, il faut juger les gens sur les actes et sur les résultats, et non pas sur l'état civil. Ah, dans l'armée aussi, on ne devient pas général avant d'avoir fait ses preuves. Mais il est important pourtant de laisser les enfants rêver. Et c'est sans doute ce que se sont dit les élus de Carpentras dans le Vaucluse qui veulent changer le nom de la crèche municipale Émile Zola, un nom qu'elle porte depuis 40 ans. Eh oui. Oui. Le quotidien La Provence revenait hier sur cette affaire. La municipalité de gauche a jugé que le nom Émile Zola démoralise le personnel, les parents et les tout-petits. Voilà, cette crèche devrait s'appeler dorénavant les petits berlingots. Oh là là. Ah, oui, Philippe, j'entends dans mon casque une auditrice qui nous rappelle ce que veut dire berlingot en argot. Je peux pas le répéter. Non, enfin bon, c'est pas germinal, c'est génital. Hein. Alors, d'un coup, débaptiser la crèche Émile Zola pour l'appeler les petits berlingots, c'est de très très bon goût. Ouais, non, c'est incroyable. Alors, Philippe, d'ailleurs, le Los Angeles Times de la semaine dernière nous apprenait une autre histoire de bon goût. Ça s'est déroulé dans la ville côtière de Marina del Rey, en Californie. Là-bas, c'est la période où tout le monde décore sa baraque pour la fête d'Halloween. Ça aura lieu le 31 octobre prochain. Et Mustapha Mahmoud Zayed n'a rien trouvé de mieux que d'accrocher un mannequin en forme de pendu sur son balcon. Voilà, c'était lundi, tout le monde a trouvé ça normal. Mais l'odeur aidant, les voisins ont mis 3 jours à se rendre compte que le mannequin, ben c'était en fait Mustapha qui s'était pendu. Voilà, faut pas confondre suicide et décoration. Et... Oh, une petite remarque d'Arthur de Guéret qui dit à côté de son transistor que l'administration pénitentiaire et les dirigeants de France Télécom, eux aussi, n'ont aucun goût pour la déco. Alors, au passage, en parlant décoration, je suis tombé sur GQ. GQ qui se présente à sa une comme le magazine le plus innovant de l'année. J'ai voulu vérifier et dans le courrier des lecteurs de GQ, Denis dit qu'il a remarqué sur la veste de nombreux hommes politiques un ruban rouge sur le côté gauche et il demande la signification. Qu'est-ce que c'est ? Eh oui, alors, le plus sérieusement du monde, GQ répond que c'est parce qu'ils ont reçu la Légion d'honneur. Voilà, donc le magazine le plus innovant de l'année. On ne sait pas de quelle année. Voilà. Cette semaine, le magazine Gala nous offre l'interview d'Anne-Marie qui, elle, mérite la Légion d'honneur. Elle vient d'avouer qu'elle a été la première maîtresse de Nicolas Sarkozy. Ah oui. Et oui, elle nous donne les détails. Hein. Niki, avec ses grosses fesses, est un grand affectif. Il est très tactile, toujours dans les jupes. Il est prêt à aider ses amis quand il s'agit d'enfiler un tablier. Alors, évidemment, Anne-Marie a été la maîtresse de l'élève Nicolas Sarkozy en 1959 au cours Saint-Louis à Paris. Et aujourd'hui, elle publie un roman, enfin un bouquin, non, ses mémoires, où elle raconte la prime enfance de notre président. Voilà, c'est aux éditions Fizzi. J'ai jeté un œil sur leur catalogue, il n'y a pas de souci à se faire, c'est du sérieux. Hein. Les derniers bouquins parus sont « Les mémoires d'un lit ». Sinon, on a « Hôtel galant » pour les couples qui ne savent pas où abriter leurs amours illégitimes. Voilà. Sinon, il y a aussi un carnet défoulatoire pour les déçus de Sarkozy. Enfin, sérieux, tout ça, voilà. L'ancienne maîtresse de notre président raconte dans son interview à Gala qu'un jour à Neuilly, elle a rencontré Nicolas et Cécilia. Cécilia. Et ce grand déconneur de Nico a balancé à Cécilia. Viens, viens, je vais te présenter ma première maîtresse. Voilà, ça l'a pas fait rire du tout. Et d'ailleurs, de son côté, le quotidien Al-Watan de dimanche dernier nous apprenait une autre colère d'épouse bafouée. En Arabie Saoudite, dans la ville de Jeddah, sur la mer Rouge, une femme d'une trentaine d'années a découvert que son mari la surnommait Guantanamo. Oh là, ouais, mais elle doit pas être sympa. Alors oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a appelé son mari sur son portable. Mais comme l'appareil était resté à la maison, elle a vu Guantanamo s'afficher sur l'écran. Et après 17 ans de mariage, elle demande le divorce. Voilà, faut faire très attention aux critiques formulées par écrit, on le sait tous. Parce qu'un jour ou l'autre, bah, paf, on se fait gauler. Ça. Et ouais, c'est ce que nous explique The Telegraph dans son édition de dimanche dernier. Jusqu'en 2006, les ambassadeurs britanniques qui quittaient un pays devaient écrire une lettre au Foreign Office, histoire de faire le bilan, mais sans langue diplomatique. Voilà, les meilleures lettres viennent évidemment d'être divulguées par la BBC. Alors l'ambassadeur du Nicaragua, en 1967, explique qu'à son arrivée au pays, il a vexé tout le monde, hein, parce qu'il a dit « Oh, c'est joli ce petit village, c'est quoi ?» Bah, c'est Managua, la capitale. Voilà, sinon, Anthony Rumbold, ambassadeur en Thaïlande de 1965 à 67, raconte, je cite... Ils n'ont aucune littérature, pas d'art pictural et une musique très bizarre. Leur architecture est monotone et leur décoration d'intérieur est affreuse. Voilà. Bon, écoutez, aujourd'hui, c'est Sir Peter West Macott qui est l'ambassadeur britannique à Paris. Et lire ses lettres sur notre République, ça doit être épadant. Merci, Monsieur Maudit, pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 176e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était les actualités revues et corrigées par la bande de furieux du Manchin Palace. On se retrouve dès le week-end prochain pour de nouvelles aventures archi-loufoques et total foutrac, bien sûr. Panique au Manchin Palace, c'est une émission coécrite, les doigts dans la prise, avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait ce matin l'une des doublures de monsieur Mutel, monsieur Beaujolais. Merci beaucoup, Yvan. C'était parfait. Assistez aujourd'hui à la technique de Rémi Quincé et de Pierrick Monsigny. Merci beaucoup à vous deux, c'était nickel. Pour toute la documentation et la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaujolais et Elsa Denac. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefaillère pour toutes ses idées complémentaires, ainsi qu'au formidable documentaliste de Lina et à Marion Cross, notre stagiaire. Et puis, il faut remercier tous nos auditeurs qui étaient à Marseille dimanche dernier, car ce fut une véritable émotion de produire le Mangin Palace en public sur le Vieux-Port. Alors merci beaucoup d'être venus si nombreux. Au passage, je crois qu'on va peut-être réitérer 2-3 fois l'exercice dans l'année qui vient, et nous vous tiendrons informés, bien sûr. Voilà, la journée continue sur France Inter après le Flash. Vous retrouvez Marie-Pierre Planchon et sa propre recette du crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi à 11h pour la cellule de dégrisement, l'actualité culturelle à la sauce panique. Et dimanche prochain, toujours à 11h, et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode du Mangin Palace. Mais en attendant d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment ? Ah, c'était en direct ? Ah, je savais pas que c'était en direct.